الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن وجود الأولاد نعمة عظيمة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فالوجود الأولاد نعمة عظيمة يجب القيام بشكرها فمن الواجبات العظيمة المنوطة بالوالدين تربية الأبناء وتنشئتهم على الصلاح والاستقامة على دين الله والبعد والإبعادهم عن الآثام ومعصية الله سبحانه وتعالى هذه المسؤولية العظيمة وصية الله تبارك وتعالى للوالدين وصية الله سبحانه وتعالى للوالدين تربية أولادهم والقيام بمسؤولياتهم قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم فالمسؤولية عظيمة والأمر عظيم أيها الآباء اعلموا أنكم تسألون يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى عن أبنائكم عن أولادكم وبناتكم تسألون عند الله سبحانه وتعالى ماذا عملوا وماذا فعلتم أنتم يا عباد الله يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أدب ولدك فإنك مسؤول عنه يوم القيامة ماذا أدبته وماذا علمته وهو مسؤول عنك عن برك وطواعيته لك وفي الصحيحين عنه أيضا رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهذا الواجب الجسيم يتطلب من الآباء جهدا واحتسابا واستعانة بالله عز وجل وتوكلا عليه واعتمادا عليه وحده لا شريك له فهذه مسؤولية عظيمة عليك أن تحثه على الخير، على المحافظة على الصلوات وهو ابن 7 سنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يجب عليك أن تحفظه من الشرور والفتن وجلساء السوء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتعلموا يا عباد الله العلم النافع واعملوا بالعمل الصالح، وعليكم رعاية أولادكم وأهاليكم، فالأولاد أمانة في أعناقكم تسألون عنها يوم القيامة. وفي هذه الآية العظيمة إشعار بعظمة المسؤولية. فإذا فرط الآباء في تربية أولادهم خسروا خسرانا مبينا، لأنهم ما ينتفعون برا وصلة في الدنيا ولا دعاء واستغفارا وإحسانا بعد مماتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولا يكون الولد صالحا إلا بعد تعب جهد واجتهاد وكثرة إلحاح بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. والأصل الأصيل ومناط الخير في هذه المسألة الإكثار من الدعاء، لأن التوفيق كله بيد الله تبارك وتعالى. وما توفيقي إلا بالله. فعلينا أن نكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ليصلح أولادنا، لنصلح أنفسنا أولا ثم أزواجنا وأبنائنا. وهكذا كان أنبياء الله سبحانه وتعالى. فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول: رب هب لي من الصالحين، ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهكذا زكريا يدعو بهؤلاء الدعوات المباركات. فعلينا أن نكثر من الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم أصلحنا وأصلح أولادنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. وبعد، sachez mes chers frères que parmi les grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à certains de ses serviteurs, la présence des enfants, le fait de nous accorder des enfants, ceci est un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans le Coran. Il nous dit selon la traduction: à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don à qui il veut de garçon, et il fait don à qui il veut de fille. Ou il accorde garçon et fille à la fois, et il rend qui il veut stérile. C'est lui certes le savant et l'omnipotent. Donc la présence des enfants est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'avoir une fille, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cela dans le Coran un don, un cadeau. Le fait d'avoir un garçon, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cela un don de sa part ou un cadeau. Donc, c'est un grand bienfait de la part d'Allah azza wa jal et nous devons de nous montrer reconnaissants. Et parmi la plus grande reconnaissance, le fait d'éduquer ses enfants. Ses enfants sont un dépôt auprès de toi. Ses enfants sont un dépôt auprès de toi, que ce soit un garçon ou une fille, que tu en aies un ou plusieurs. Sache qu'on te les a donnés. Et c'est un test. Allah subhanahu wa ta'ala certes nous enseigne que c'est un bienfait, mais il nous cite également qu'il y a dans cela une fitna, un test. Si tu t'acquittes de tes devoirs envers eux, que tu leur accordes leurs droits, alors ça sera pour toi un bienfait et tu auras concrétisé ce bienfait. Et il en résultera tout le bien dans ce bas monde, dans la piété, la bienfaisance, la piété filiale et dans l'au-delà. Ils feront dua pour toi. Ils feront le hajj pour toi et des sadaqat pour toi si tu les as bien éduqués. Dans le cas contraire, si tu as trahi le dépôt, si tu n'as pas éduqué tes enfants, ils seront pour toi une source de malheur. Ils seront pour toi une source de soucis. Et dans ce cas-là, le fait de ne pas les avoir aurait peut-être été un meilleur bienfait pour toi. Il y a donc dans cela un test. Il y a dans cela un test qui va s'acquitter des droits ou bien des devoirs, de ses devoirs qu'il a envers ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc confié ce dépôt. Nous avons donc l'obligation de les éduquer sur la piété, sur la droiture et le noble caractère de l'islam. Tout comme nous avons l'obligation de les mettre en garde contre les troubles, les turpitudes, les péchés, la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que ce dépôt, cette grande responsabilité qu'est l'éducation des enfants est la recommandation d'Allah faite aux parents. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas fait coordonner cette chose-là, mais il en a fait une recommandation pour nous montrer la grande importance de ce dépôt. Il nous dit « Yusikumullahu fi awladikum » Allah vous fait des recommandations envers vos enfants. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nombreuses recommandations aux enfants envers leurs parents. « وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا » Nous avons enjoint aux enfants la bienfaisance envers leurs parents. De la même façon, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné et a recommandé et a fait cette grande recommandation aux parents envers leurs enfants. Il leur ordonne de s'acquitter des droits qu'ont leurs enfants sur eux. Donc c'est une grande responsabilité. Comment est-ce que tu vas les éduquer ? Qu'est-ce que tu vas leur apprendre ? Ceci est la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Ô vous les parents, sachez que vous serez questionnés chez Allah subhanahu wa ta'ala sur l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu nous dit, radiallahu anhuma nous dit, éduque ton enfant car tu seras interrogé à son sujet le jour de la résurrection. Comment est-ce que tu l'as éduqué et qu'est-ce que tu lui as enseigné? Et l'enfant sera questionné à ton sujet sur sa bienfaisance envers toi et son obéissance. Et son obéissance, est-ce qu'il t'obéissait ou non? Et dans le recueil de l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, rahimahumallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous êtes tous responsables et chacun d'entre vous sera questionné sur sa responsabilité. Vous êtes tous des bergers et chacun sera questionné sur son troupeau. Le gouverneur est responsable et il sera interrogé sur sa responsabilité. L'homme est responsable des membres de sa famille, de son foyer, et il sera interrogé à leur sujet. La femme est responsable de la maison de son mari et elle sera questionnée sur cette responsabilité. Le servant est responsable de ce que possède son maître et il sera questionné à ce sujet. Vous êtes tous responsables et chacun sera questionné sur sa responsabilité. Donc voici un grand ordre qui nous vient de la part d'Allah Azza wa Jal, puis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans aucun doute, si vous voulez voir la piété de vos enfants, de votre vivant, il va vous falloir vous sacrifier. La femme, elle doit se sacrifier. Elle doit dépenser de son temps de son énergie, elle doit sacrifier de son sommeil et de ses passions afin de voir ses enfants grandir dans la piété. L'homme doit se sacrifier, il doit sacrifier de son temps, de son énergie, de son argent pour voir ses enfants grandir dans la piété. Et si ces deux personnes s'unissent dans la piété et la bienfaisance et qu'ils supplient Allah tabaraka wa ta'ala de leur accorder la réussite, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera tout le bien. Et celui qui a une bonne intention, au moment même où il approche son épouse, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera ce qu'il souhaitait. Allah subhanahu wa ta'ala fera de ses enfants la prunelle de ses yeux. C'est une grande responsabilité. Il vous faut faire des efforts et rechercher l'aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala en l'invoquant souvent et longuement, afin qu'Allah azza wa jal vous accorde des enfants pieux et qu'il réforme vos enfants. Aussi, il vous faut encourager vos enfants dans les bonnes œuvres et les mettre en garde contre tout ce qui cause la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui fait entrer en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, selon la traduction, « Ô vous qui avez cru, préservez-vous, vous, ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Il y aura des anges qui sont rudes et durs, c'est-à-dire comme gardiens, ne désobéissant jamais à Allah dans ce qui leur commande. Ne désobéissant jamais à Allah dans ce qui leur commande. Donc apprenez vous-même, commencez vous-même par apprendre la science utile et les ordres d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, la bonne croyance, la prière et les règles relatives à la prière, la langue arabe, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fiqh et tout ce dont nous avons besoin pour adorer Allah Azza wa Jal. Tu apprends cela pour ta personne, puis tu transmets cela à ton enfant. Quant à ceux qui disent, moi je n'ai pas réussi et je vais envoyer mes enfants étudier ici et là. Non, toi tu dois être un exemple pour tes enfants. Si tu ordonnes à tes enfants une chose et que tu fais le contraire, sache que ceci est une contradiction évidente et tu seras qu'un mauvais exemple pour tes enfants. Si tu délaisses la prière en commun et ensuite tu dis à ton fils, va à la mosquée, les hommes prient à la mosquée, il n'acceptera pas cela de toi. Par contre, s'il t'a vu depuis son plus jeune âge te lever pour aller à la mosquée et prier les prières en commun avec le groupe à la mosquée, alors de lui-même, il te dira, « Oh mon cher père, me permets-tu de sortir avec toi pour prier comme les hommes à la mosquée ?» Et ainsi, tu te réjouiras de voir ton enfant au premier rang à la mosquée depuis son plus jeune âge. Et sache que cela reviendra en bien pour toi. Tous ceux qui vont voir cet enfant à la mosquée vont dire, « Qui est son père ? Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qui est sa mère ? Qu'Allah lui fasse miséricorde. » Et ils invoqueront Allah Azza wa Jal en ta faveur, toi cher père et toi chère mère, même après ta mort. Combien sont les enfants qui font du bien dans la Ummah et dont les parents ne sont plus présents pour voir ce bien. Et les gens ne cessent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur, alors qu'ils n'ont plus la capacité de faire du zikr, ni de prier, ni de faire le hajj, ni d'invoquer Allah Azza wa Jal pour le pardon pour leurs péchés. Ô toi, chère mère, lorsque tu vois ton fils malade, ou ta fille malade, tu en tombes malade. Lorsqu'il a mal, tu as mal. Lorsqu'il souffre, tu souffres avec lui. Et peut-être que des mères font des nuits blanches, car leurs enfants sont malades. Mais ici, Allah Azza wa Jal nous dit de nous préserver, nous, ainsi que nos enfants du feu. Comment se fait-il que tu laisses tes enfants rentrer avec du haram chez toi, alors que lorsqu'il est malade, tu pleures avec lui? Ne vas-tu pas pleurer afin qu'il n'entre pas en enfer? Ne vas-tu pas l'éloigner des causes qui font entrer en enfer? Et toi, cher père, tu sors tôt le matin pour aller chercher la subsistance, pour amener à manger et à boire. Certes, cela est ton devoir, d'éduquer les enfants, l'éducation du corps, en leur amenant la subsistance. Mais où est l'éducation de l'âme, en leur enseignant la religion d'Allah Azza wa Jal, en leur apprenant la langue arabe et le Coran, en leur apprenant la bonne croyance et la prière, les règles de purification et autres? Comment se fait-il que tu fais tout pour qu'ils ne manquent de rien dans leur ventre, mais tu laisses leur cœur vide de la connaissance d'Allah Azza wa Jal et de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la connaissance de l'islam, la seule religion qu'Allah Azza wa Jal agrée? Quelle femme pourrait voir son enfant rentrer en enfer car elle a délaissé cette grande responsabilité? Quel homme pourrait supporter de voir entrer son enfant en enfer, car il ne l'a pas éduqué sur la prière depuis son plus jeune âge, sur la piété, sur la droiture. فَاتَّقُوا اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ وَأَصْلِحُ أَوْلَادَكُمْ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الدُّعَى بِالدُّعَاءِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَفِعْلِ الْأَسْبَابِ. Donc craignez Allah tabaraka wa ta'ala, chers parents, faites des efforts, invoquez Allah azza wa jal, de jour comme de nuit, pour qu'il réforme vos enfants, et faites les causes, et commencez par la bonne croyance. Commencez par enseigner à vos enfants la bonne croyance. Enseignez-leur qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul maître de l'univers, le seul créateur. C'est lui qui nous a créés, qui nous a tout accordé. Lorsque tu lui donnes une chose ou un cadeau, dis-lui celui-là te vient de la part d'Allah. Sois reconnaissant vers Allah et il t'ajoutera. Puis enseigne-lui que le seul qui mérite d'être adoré, le seul pour qui les fronts doivent se prosterner, les seuls pour qui les peaux doivent frémir, le seul que nous devons aimer d'un amour adoration, le craindre d'un amour, d'une crainte adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le maître des cieux et de la terre, et c'est celui vers lequel nous allons revenir après notre mort. C'est celui qui a les noms les plus parfaits, les attributs les plus complets. Enseigne cela à ton fils, enseigne cela à ta fille depuis leur plus jeune âge. Enseigne-leur la ilaha illallah, la première chose qu'il doit savoir, c'est Allah. Dis-lui Allah et répète-lui jusqu'à ce qu'il prononce cette parole. Et fais-lui un signe du doigt pour lui enseigner qu'Allah est en haut. Allah est au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Puis, enseigne-lui qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. Répète-lui souvent la ilaha illallah, fais-lui apprendre cette parole. Enseigne-lui le respect des personnes âgées. Enseigne-lui la salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Comme Allah Azza wa Jalla nous le dit en Coran, c'est l'ordre qui a été donné aux prophètes et le chemin que doivent suivre les personnes pieuses après elles, après eux. Nous devons nous-mêmes préserver nos prières et ordonner à nos familles de préserver cette salat. Enseigne-leur le bon comportement, le respect des personnes âgées. Enseigne-leur la piété filiale. Sois proche d'eux et sois doux envers eux. Si tu te comportes ainsi, tous les bénéfices vont revenir à ta personne. Dans ce bas monde, ils seront proches de toi. Ils vont t'aimer, ils vont te respecter. Ils vont te chercher, ils vont faire dua pour toi. Ils vont t'embrasser et tu auras une noble famille dans laquelle régnera le bonheur et la félicité. Aussi, les gens invoqueront Allah Azza wa Jalla en ta faveur lorsqu'ils verront la baraka de ton fils, ses nobles caractères. Et le moment où tu tireras le plus profit de ton enfant, sache que ça n'est pas dans ce bas monde. C'est le jour où, après avoir invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en sa faveur, avant même qu'il soit dans le ventre de ton épouse, puis lorsqu'il était dans le ventre de ton épouse, puis lorsqu'il sortait du ventre de ton épouse, puis après avoir vu la vie, tu as invoqué Allah azza wa jalla en sa faveur, ben sache que le moment où tu tireras le plus profit de lui, c'est le jour où tu seras dans ta tombe. C'est le jour où tu seras dans ta tombe et que tu ne pourras plus rien faire pour toi. À ce moment-là, tu vas voir les effets de cette éducation, de cette fatigue, de t'être levé tôt, d'avoir envoyé ton enfant apprendre le Coran et la Sunna, d'avoir envoyé ton enfant étudier, de l'avoir pris avec toi à la mosquée, de t'être fatigué pour cet enfant. À ce moment-là, cet enfant, il va faire dua pour toi, alors que tu seras dans ta tombe, tu ne pourras plus rien faire. Il va dire « Allahumma ghfir li abi, Allahumma ghfir li ummi ». Il va invoquer Allah Azza wa Jal pour toi. Si tu n'as pas fait le hajj, il va faire le hajj pour toi. Il va faire la amra pour toi. Il va faire des sadaqat pour toi. Il va faire dua pour toi. Et yawm al-qiyama, quand tu seras ressuscité, et qu'on va t'élever en degré au paradis, tu vas dire, comment se fait-il que j'ai ces degrés? On va dire, car ton enfant a invoqué Allah en ta faveur. Car ton enfant a invoqué Allah en ta faveur. Et sachez que parmi les gens du paradis, certains seront vêtus des plus beaux vêtements du paradis et on leur fera porter une couronne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à son sujet que la lumière du soleil n'est pas plus resplendissant que cette couronne. Savez-vous pour qui seront ces choses-là aux serviteurs d'Allah? Lorsqu'on va habiller ses parents de cette couronne et des plus beaux vêtements du paradis, ils vont demander quelle est la cause de cela. Et on leur dira, « Li hifzi waladikum al-Qur'an, Allahu Akbar, Allahu Akbar, celui dont les enfants mémorisent le Qur'an, Allah Azza wa Jal leur accordera les plus beaux vêtements du paradis. Et cette couronne qui est plus étincelante et qui illumine plus encore que la lumière émanant du soleil. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifati al-ula an yusliha anfusana wa awladana wa azwajina wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.